Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez remarqué ? Depuis que vous vous êtes offert une Peugeot 208 avec navigation 3D connectée et parc assist, votre meilleur ami s'invite chez vous tous les dimanches. Et tous les dimanches, il insiste pour vous emmener faire une partie de tennis avec votre 208. Pendant les très belles reprises, la Peugeot 208 est à partir de 9 990 euros. Offre cumulable avec les 1 000 euros de prime à la conversion de l'État. Détails sur offre.peugeot.fr. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. This is a time of tragedy and loss. Senator Robert Kennedy is dead. Dead from an assassin's bullet. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'assassinat de Bob Kennedy. C'est une dynastie, les Kennedy, qui a marqué l'histoire des États-Unis comme personne. Aujourd'hui encore, leur nom évoque glamour, élégance à l'américaine et fait rêver partout dans le monde. C'est une dynastie marquée par la réussite, bien sûr, mais aussi par le drame, évidemment. En 1963, le monde pleure la mort de John Kennedy, le président américain dont l'image rayonnait partout sur la planète. 5 ans plus tard, le sort s'acharne à nouveau sur la famille Kennedy. En juin 68, Bob, le petit frère de John, est assassiné, fauché en pleine course vers la présidentielle, lui qu'on présentait comme le favori. Fauché avant que le monde ne puisse vraiment le connaître, lui qui a pourtant été derrière toutes les grandes décisions de son frère. Aujourd'hui encore, ce meurtre est une blessure ouverte dans l'histoire américaine. Un assassinat autour duquel planent de nombreux mystères. Sa mort était-elle un complot ? Qui a réellement tué Robert Kennedy ? Ce sont, peu ou prou, les mêmes questions que pour son frère John, avec peut-être les mêmes commanditaires. Notre invité aujourd'hui, Marc Duguin, écrivain, auteur du livre « Ils vont tuer Robert Kennedy » chez Gallimard, à l'automne 2017. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Kennedy for President, c'est le slogan que scande la foule, surexcitée. Partout, ces trois mots sont peints, sur les affiches, des badges, des pancartes. Il fait chaud en cet après-midi de la fin du mois de mai 1968 dans l'Oregon. La foule de chemisettes blanches est de plus en plus dense dans la rue principale de Portland. Ils sont des centaines entassés sur le trottoir, espérant apercevoir le sénateur Kennedy. L'homme qu'ils attendent, c'est donc Robert, Bob, Bobby pour les intimes, sénateur démocrate de l'État de New York. Il est en pleine campagne pour les primaires en vue des présidentielles qui auront lieu en novembre 68. À chaque étape, des milliers de personnes font le déplacement. La foule est hystérique. Depuis le début de la campagne, Bob a déjà perdu plusieurs boutons de manchette, une chemise et même une chaussure arrachée par ses fans. Dans l'exercice de la campagne et de sa ferveur, le jeune Kennedy est à la fois à l'aise et crispé. Son frère aîné est déjà passé par là, il en a retenu les leçons. Aujourd'hui, dans sa gestuelle, on reconnaît la marque des Kennedy. Une élégance bourgeoise, entretenue depuis la naissance, doublée d'une certaine bonhomie. Les Kennedy sont des gens sympathiques, des descendants d'Irlandais aux gestes francs. Grand, mince, le visage anguleux mais harmonieux, il est bel homme Bob, tout comme l'était son frère John. Dans une société de l'image et de la com' politique, ça compte. Bobby sait qu'il bénéficie de l'aura de son frère. Et puis, le public le connaît, il a été le ministre de la justice de John. Mais il doit tout de même faire ses preuves. Pour cela, il a parié sur la mise en scène. Debout sur sa décapotable, il a des allures de héros conquérant. L'un de ses amis, Rafer Johnson, ancien champion olympique de décathlon, assure la sécurité et le tient à la ceinture. Penché vers la foule, Bob Kennedy salue, serre des mains, touche des têtes. Soudain, quelqu'un lui agrippe le bras. Rafer Johnson n'arrive pas à le tenir. Bob tombe. Alors la foule retient son souffle. Aurait-on perdu un autre Kennedy ? Non, pas aujourd'hui. Bobby se relève, malicieux, bien plus de peur que de mal et un peu de poussière sur sa belle chemise, comme seul préjudice. Qu'importe d'ailleurs, depuis sa déclaration de candidature 2 mois plus tôt, il sent que son heure est venue. L'Amérique et le monde entier ont les yeux braqués sur lui. I am announcing today my candidacy for the presidency of the United States. Par cette petite phrase, le sénateur Robert Kennedy a mis fin à quelques mois de suspense et ouvert un nouveau chapitre de la campagne électorale 1968 aux États-Unis. À l'âge de 42 ans, à l'âge même où son frère John Fitzgerald entrait lui aussi dans la course à la présidence, le sénateur de New York entreprend une bataille subtile et délicate qui va rendre passionnante la campagne du Parti démocrate cette année. C'est donc une demi-surprise quand ce 16 mars 1968 sur France Inter, on apprend la candidature de Robert Kennedy. Tout le monde en effet s'attendait à le voir briguer la présidence un jour. Mais on ne l'attendait pas si vite. Le président en exercice, Lyndon Johnson, est un démocrate. Une erreur de casting, certes. Un conservateur texan qu'il serait plus logique de compter parmi les rangs des républicains. Mais enfin, la tradition veut par ailleurs qu'on lui laisse le champ libre pour un deuxième mandat par loyauté. Mais cette année, un autre démocrate, le sénateur Eugene McCarthy, a perturbé l'ordre établi et a annoncé sa candidature. C'est un sérieux rebondissement qui surprend Bobby Kennedy lui-même et qui précipite ses plans. Il visait bien sûr la présidence, mais 4 ans plus tard, le temps de se remettre sur les rails, de se solidifier, de se faire un prénom. Car jusque-là, à travers lui, c'est la mémoire de son frère qu'on honore. Mais là, l'occasion est trop belle. La brèche est ouverte, Bobby décide de s'y engouffrer et se présente. Le Parti démocrate aura donc le choix entre au moins 3 candidats pour ses primaires. Mais pourquoi cet homme, dont le nom porte la marque de la victoire, a-t-il autant hésité à se présenter? Depuis toujours, il s'était construit en comparaison à ses grands frères. Et surtout, on l'a dit à John, qu'on surnomme affectueusement Jack, de 7 ans son aîné. Leur père, Joe, les promettait un brillant avenir. Ambitieux, il répétait toujours « un de mes fils sera président des États-Unis ». Il faut dire que la famille Kennedy en a les moyens. Descendants d'immigrés irlandais catholiques, ils sont riches, très riches. Le patriarche a fait fortune dans la banque et les assurances et a passé sa vie sur la ligne jaune qui sépare les activités légales des activités mafieuses. Jack et Bobby entrent en politique très jeunes. Jack devant, Bobby derrière. Quand Jack n'est encore que sénateur, c'est avec son frère qu'il combat la corruption et la mafia. Puis, quand Jack devient président des États-Unis en 1961, il place naturellement son frère au gouvernement, au poste de ministre de la Justice. Ensemble, ils travaillent sur des dossiers phares du moment, sur la scène intérieure comme sur le terrain diplomatique. C'est Bobby qui, par exemple, soufflera à son frère le texte qui mettra un terme à la ségrégation raciale aux États-Unis. JFK est raisonnable, pragmatique, mais joue fort bien les idéalistes. Bobby, lui, est un romantique qui joue fort bien les cartésiens. L'attelage fonctionne. Mais en novembre 1963... Attentat contre le président Kennedy à Dallas. C'est alors qu'il traversait en automobile le centre de Dallas dans le Texas qu'on a tiré sur la voiture présidentielle. Madame Kennedy accompagnait son époux. C'est elle qui s'est précipitée la première vers le président. Un photographe de la suite présidentielle a déclaré que le président Kennedy saignait à la tête. Je vous l'ai dit, il a été transporté à l'hôpital. Robert Kennedy n'a plus de repères. Lui qui était un homme dans l'ombre du pouvoir, sombre dans le désespoir et ne devient plus que l'ombre de lui-même. L'enquête détermine qu'un certain Lee Harvey Oswald est l'auteur du crime. Un communiste. Il aurait agi seul. Le FBI, en charge de l'enquête, maintient cette version. Et la commission Warren enfonce le clou. Tireur isolé, circulez. Mais chez Bobby, le doute persiste. Il a vu à la base du crâne de son frère un deuxième orifice. Comment se pourrait-il alors qu'il n'y ait eu qu'une seule balle, qu'un seul tireur? Oh, on connaît l'histoire. Bob, comme tant d'autres, s'interroge. Le tueur aurait-il été engagé par l'un des nombreux ennemis du président? Au cours de sa carrière, JFK s'était attiré la haine de beaucoup de puissants. Il était devenu l'ennemi des communistes à cause de son action à l'encontre du régime de Cuba, de la mafia pour sa lutte acharnée contre la corruption, et aussi du chef du FBI, l'ineffable Edgar Hoover, serviteur zélé de la chasse aux sorcières, communiste et homosexuel en tête, alors qu'il est lui-même homosexuel. L'immoralité en bandoulière, Hoover aura tenu plusieurs présidents américains par l'intimidation. Il savait tant de choses sur tout le monde. Hoover, c'est le visage sombre de la première démocratie du monde. Et Bobby le sent. On lui cache des informations. À lui, le frère du président. Il sait aussi que Hoover a des liens avec la mafia. Bobby est persuadé que le directeur du FBI est mêlé à l'affaire. Et s'il en était le commanditaire? Hypothèse jamais prouvée. Depuis le drame, Lyndon Johnson, l'ancien vice-président, assure l'intérim à la Maison-Blanche. Bobby ne l'aime pas. Politiquement, ils ont peu de choses en commun. Son frère l'avait nommé vice-président pour calmer l'aile la plus conservatrice du Parti démocrate. Alors, voir arriver cet homme au pouvoir, dans ces circonstances, à la faveur d'un tel drame, lui paraît encore plus illégitime, insupportable, voire suspect. Et oui, si le vice-président, cet homme vulgaire, qui parle comme un charretier et qui ne supporte pas l'élégance des hommes de la côte Est, leur arrogance également, si lui aussi avait monté un coup pour prendre le pouvoir. Jamais prouvé, mais pour Bobby Kennedy, c'est crédible. Alors, il sombre dans la dépression. Ses amis ne le reconnaissent plus, son regard vif s'est transformé. Il affiche désormais une tristesse permanente au fond des yeux. Il se sent seul. Comme allié, il n'a que Jackie Kennedy, la veuve de son frère, qui le soutient dans son enquête et croit, elle, à la théorie du complot. Pendant plusieurs mois, Bob continue quand même à travailler pour Johnson en tant que ministre de la Justice, mais il n'occupe pas vraiment le poste, obnubilé qu'il est par la mort de son frère, terrassé par ses pensées morbides. En septembre 64, il démissionne. Non, il ne veut plus, dans l'ombre de surcroît, soutenir une politique qu'il désavoue. Double peine. Alors il se présente au Congrès, et c'est là que sa carrière solo commence. Sur France Inter, on annonce son élection au poste de sénateur de l'État de New York, comme un fait prémonitoire. Le président Johnson s'en est félicité officiellement, mais il se pourrait que cette victoire du clan Kennedy ne soit pas de tout repos au cours des 4 années qui viennent pour le nouveau président des États-Unis. Évidemment, Bob Kennedy est très content et comme nous le disait Jacques Salbert avant-hier, s'il est élu, et il a été élu, tous les espoirs lui sont permis. Et l'on parle déjà d'une candidature possible de Bob Kennedy aux prochaines élections présidentielles. D'autres vont même bien plus loin et disent que le prochain président, c'est-à-dire celui qui succédera à M. Johnson, serait Bob Kennedy. Enfin, nous verrons. Pour le moment, nous en restons là. En quelques mois, Robert Kennedy a retrouvé sa vigueur. Il est devenu, depuis la mort de Jack, le chef du clan Kennedy. À son poste de sénateur, il peut se consacrer au combat qui lui paraît juste. Bouleversé par l'assassinat de son frère, il réalise soudain que la mort est imprévisible. Souvent, il rappelle à ses amis et aux journalistes qu'elle peut frapper à tout moment. À partir de maintenant, il ne perdra donc plus de temps à douter ou à faire des calculs politiques. Il en est persuadé, il faut agir quand on le peut. Autrement dit, tant qu'on est en vie, c'est une sorte d'énergie du désespoir qui l'anime. Bobby se base sur sa terre toujours, celui de ses convictions profondes, avec une force nouvelle. Il devient l'un des plus féroces adversaires du président Johnson. Il veut lutter contre la pauvreté, la corruption, les inégalités. Son discours est de plus en plus humaniste et touche le cœur des Américains qui viennent l'écouter par centaines de milliers. Rapidement, ses prises de parole attirent plus de monde encore que celles du président Johnson. Une parole qui se cristallise progressivement sur l'une des grandes inquiétudes des Américains, la guerre du Vietnam. Un conflit épouvantable. Depuis 1961, et sur l'initiative de son propre frère, les États-Unis se sont embourbés. Lyndon Johnson a poursuivi l'effort de guerre, et au début de l'année 1968, 500 000 soldats américains sont envoyés sur le front. Des milliers de morts civils et militaires, des images montrant les effets inhumains du napalm. L'opinion internationale et américaine est choquée quand une démocratie devient barbare. Situation que dénonce notamment ce reportage de l'émission 5 colonnes à la une en 1966. Saigon s'asphyxie lentement. Les routes qui conduisent à la capitale sont presque toutes contrôlées par le Viet Cong et les seules voies pratiquement libres sont celles du désert. Les combats se déroulent aux portes de la ville, et la ville grossit chaque jour de la foule des réfugiés qui fuient les villages martyrisés par la guerre. La population a doublé. Elle s'entasse où elle peut, elle travaille où elle peut, elle mange ce qu'elle peut. « En 1967, un an avant l'élection présidentielle, le discours de Lyndon Johnson change. Le conflit pèse trop sur le pays. Malgré la violence des interventions militaires américaines et l'usage de produits chimiques qui déciment les populations, brûlent des hectares de rizières et de forêts, les communistes résistent et les soldats meurent par milliers. Accusé, acculé, Johnson commence à évoquer l'idée d'une issue, d'un projet de paix. Mais quelques mois plus tard, ses vraies intentions se révèlent. En janvier 1968, il décide d'envoyer à nouveau les troupes américaines à l'occasion de la fête du Tet. L'offensive est spectaculaire, c'est la plus violente de l'histoire du conflit. Mais le nord du Vietnam, déjà meurtri par des années de guerre de plus en plus cruelles, résiste. Et pour les Américains, c'est un échec, une humiliation de plus qui envoie la jeunesse américaine mourir dans la jungle. Bob Kennedy se place clairement en faveur de la fin du conflit. Quand le 16 mars 1968, il annonce sa candidature à la primaire démocrate, il en fait le thème central de sa campagne. McCarthy également, son adversaire, se prononce en faveur d'un retrait des troupes du Vietnam. Lyndon Johnson perd ses soutiens, les uns après les autres. Le 31 mars 1968, à peine 15 jours après que Bobby Kennedy a annoncé sa candidature, Johnson capitule. Il se retire de la course et annonce l'ouverture de pourparlers de paix qui s'ouvriront à Paris. Ce retournement de situation gêne Kennedy dans sa campagne. La guerre semble sur le point de se terminer, alors comment continuer à en faire un argument? Bob décide donc d'aller encore plus loin et il promet que le pays ne s'engagera plus jamais dans un tel conflit. Le 17 mai 1968, depuis la plateforme du train dans lequel il parcourt l'Amérique à la rencontre de ses électeurs, il déclare « Je pense que ce n'est pas une guerre américaine. C'est la guerre des Sud-Vietnamiens. Et c'est nous qui en avons fait une guerre américaine. Nous avons la plus grande part du fardeau sur les épaules. Mais c'est leur guerre, nous pouvons les aider, nous ne pouvons pas la gagner pour eux. Et ce fut notre grande erreur. Nous supportons la plus grande partie du fardeau des combats. Et Bobby Kennedy répète, c'est là notre grande erreur. Il faut qu'ils gagnent par eux-mêmes. Le ton est là, c'est une élection sans concession. McCarthy et Kennedy sont les deux favoris à présent que Johnson a quitté la course. Ils développent tous les deux un immense dispositif et dépensent des millions de dollars. Plusieurs avions, des centaines de téléphones et de voitures de location et surtout, des dizaines de milliers de volontaires se mobilisent pour Bob Kennedy. Il faut dire que le jeune homme possède bien des atouts. Un budget illimité pour faire campagne, l'aura de son frère et de son clan, sa propre réputation... Mais tout n'est pas gagné car ses adversaires sont puissants. Depuis peu, Hubert Humphrey, le vice-président de Johnson, s'est lancé dans la course. Et c'est lui qui a les faveurs des délégués démocrates, ces cadres du parti à qui appartient la décision finale. À leurs yeux, Bobby passe pour un opportuniste, McCarthy également. Après tout, c'est lui qui a pris le risque de se présenter en premier. Il ne reste à Robert Kennedy qu'une seule option, remporter le vote populaire de façon tellement massive que sa nomination soit inévitable. Robert Kennedy, Nebraska can make the difference. Robert Kennedy décide alors de faire campagne auprès des plus démunis, ceux pour qui il se mobilise. C'est un pari risqué qui pourrait ternir son image auprès des puissants. Mais les pauvres, les petits sont nombreux. La stratégie paie et sa popularité explose. Dans les sondages, on lui attribue 80% du vote noir, 85% des suffrages portoricains et 95% de ceux de la communauté mexicaine. Alors, Bobby et son équipe sont en confiance. Et de toute façon, quand un Kennedy se lance dans une bataille, c'est pour la gagner. All the leaves are brown and the sky is gray. For a walk on a winter's day, I'd be saving more if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday. Alone. begin to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. I told him so. California dreaming. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. En marche vers la gloire, Bob Kennedy est menacé. L'ambiance dans le pays devient pesante. L'Amérique est en proie à de graves tensions. Les suprémacistes blancs sont toujours aussi violents. En avril 1968, la mort de Martin Luther King, le pasteur noir qui a porté la lutte pour les droits civiques, déclenche une nouvelle vague de violence. Bagarres et pillages continuent dans les grandes villes américaines. Déjà 13 morts, des dizaines de blessés, des centaines d'arrestations. Le président Johnson lance un appel au calme, reçoit les leaders intégrationnistes et décrète une journée de deuil national dimanche. Bobby serait-il lui aussi sur la liste ? Ses proches l'ont prévenu. Attention, tu risques d'être le prochain. Car non seulement Robert Kennedy a gardé ses anciens ennemis, mais il est en train de s'enfuir de nouveau. Mais enfin la mort. Pensez donc, il la défie tous les jours depuis ce 22 novembre 1963, lors de la mort de son frère. Il vit avec la mort, presque un compagnonnage. Alors, ce ne sont pas les menaces qui le font reculer. La campagne continue, toujours plus intense et glorieuse, toujours aussi dangereuse. 4 juin 1968, Hôtel Ambassadeur, Los Angeles, Californie, quartier général de campagne de Kennedy. L'ambiance est électrique dans la grande salle de l'hôtel Ambassadeur. Des centaines de soutiens de Robert Kennedy sont là. Malgré la chaleur, tout le monde attend le résultat de la primaire de Californie. C'est le scrutin déterminant. Quelques jours plus tôt, Bob a perdu face à McCarthy dans l'Oregon, prolongeant le suspense de cette course inédite. En tout, les candidats à la primaire devaient s'affronter au cours de 4 scrutins. Kennedy en a remporté 2, McCarthy 1. La Californie sera donc la balle de match. Celui qui remporte le duel ira en finale face à Richard Nixon, le candidat républicain, qui semble abonné à ferrailler contre un Kennedy, un de plus. L'autre, John, l'avait balancé dans les cordes 8 ans plus tôt après un débat télévisé fatal au candidat républicain, engoncé, mal rasé, terrassé par le fringant candidat de la côte Est. Ce John Kennedy, à la fois brillant et gravure de mode, l'un n'empêchant pas l'autre. L'impatience est donc à son comble dans le QG démocrate, mais les résultats tardent à venir. Les voitures qui transportent les bulletins sont bloquées dans les embouteillages. C'est seulement vers minuit que Bob Kennedy monte à la tribune, victorieux. fumée blanche, les démocrates ont leur candidat. Et s'ils le veulent, les Américains peuvent offrir la Maison Blanche à un deuxième Kennedy et renvoyer Nixon à ses chères études au milieu de sa clique de républicains rétrogrades, soutien indéfectible des pétroliers du Texas et chasseurs obsessionnels de communistes. L'ambiance est à son comble de celle des grandes victoires. Mais en un instant, tout bascule. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Is that possible? It is possible. He has. Not only Senator Kennedy. Oh my God. En un instant, glaçant, les cris de joie se transforment en cris d'effroi. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. They shot him. Ils ont tiré sur lui. Dans la salle de presse de l'hôtel Ambassador, c'est la panique, comme le raconte un journaliste témoin de la scène. C'est la panique à l'hôtel Ambassador à Los Angeles, où le sénateur Kennedy vient d'être la victime d'un attentat. Et tout ce que nous savons, dans la panique qui sévit en ce moment, c'est que le sénateur a été atteint de plusieurs coups de feu, un à la hanche et un à la tête. Il a du sang sur la tête, mais la source de cette information nous a dit qu'il n'avait pas pu voir les yeux du sénateur car il était couché dans la cuisine avec quelque chose lui couvrant la tête. Gérard Alcan, Los Angeles, à l'hôtel Ambassador où le frère de Jack Kennedy, Robert Kennedy, vient d'être la victime d'un attentat. Qui a tiré sur le sénateur Kennedy? Comment est-ce possible? Et comment le tueur a-t-il pu se faufiler dans l'hôtel et abattre le candidat? En vérité, Bobby lésinait sur sa sécurité. Il n'avait qu'un seul garde du corps à plein temps, un ancien footballeur retraité du FBI. Un dispositif ridicule quand on s'appelle Kennedy et que le peuple américain semble prêt à vous faire confiance. En sortant de scène, Bob devait se rendre jusqu'à la salle de presse par un itinéraire précis. À l'aller, il était passé par la cuisine. Alors, pour sa sécurité, on avait choisi une autre route pour le retour. Plus longue, certes, mais plus sûre. Mais en chemin, Robert Kennedy décide de ne pas écouter ses gardes du corps et insiste pour passer par la cuisine. Selon certains témoins, il aurait suivi un homme pour aller saluer des soutiens. Une imprudence qui lui sera fatale, car c'est là, près de la machine à glaçons, que le drame survient. Une dizaine de coups de feu éclatent, le candidat s'effondre. Il est touché dans le dos et à la tête. Autour de lui, c'est la panique, l'effroi, l'horreur. Sa femme est-elle là, désespérée. Il lui adresse ses dernières paroles. « Tout le monde va bien ?» lui demande-t-il. La nation entière est sous le choc. On s'en est encore pris à un membre du clan Kennedy. Une famille que l'on qualifie parfois de maudite, mais dont l'aura et le message restent intacts malgré l'acharnement du destin. Non, on ne tue pas le talent. Au-delà de l'homme et de la famille, c'est la démocratie qui est attaquée. Et en dehors du pays, on regarde les États-Unis stupéfaits. Mais pourquoi ce pays est-il devenu si violent? Des centaines de personnes attendent, prient et déposent des gerbes de fleurs devant l'hôpital dans lequel on essaie de sauver le sénateur. Mais le suspense ne dure que peu de temps. Dès le lendemain, en effet, on annonce officiellement sa mort au cours d'une conférence de presse. Le sénateur Robert Francis Kennedy est mort à 1h44 du matin aujourd'hui, le 6 juin 1968. Il avait 42 ans. L'hommage est national. À la messe d'enterrement, des centaines de personnes font le déplacement. Des membres de la famille, des soutiens politiques, mais surtout des anonymes solidaires et touchés. Des centaines de personnes qui veulent comprendre qu'est-il arrivé au sénateur Kennedy. Alors, après le temps de l'hommage, vient celui de l'enquête. Les témoins du meurtre sont nombreux. Les cuisines étaient pleines de monde le jour du drame. On a eu le tireur, il était en face du sénateur. Il a été tout de suite attrapé. Il s'appelle Shiran. C'est un immigré de 24 ans d'origine palestinienne. Il vit aux États-Unis depuis une dizaine d'années, mais n'a pas de la nationalité américaine. un employé de l'hôtellerie au caractère difficile, voilà comment on le dépeint. En vérité, Shiran Shiran est habité d'une haine féroce envers les États-Unis, comme le raconte un certain monsieur Wagner, qui était son employeur. Shiran Shiran était un garçon qui donnait l'impression d'être paisible, plutôt effacé, mais très conscient de ses droits. Il ne faut pas marcher sur mes pieds. Tenez votre distance, je suis Shiran. Mais en même temps, il avait un grand complexe d'infériorité physique, un complexe d'infériorité sociale, et à mon avis, c'était une sorte d'anarchiste. Il avait bon cœur, un garçon qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, qui n'aurait jamais voulu voler un centime, mais tellement il était poussé par sa haine contre Israël et contre les personnes juives, que j'avais de la peine à essayer de lui donner des sentiments de pardon et de compassion pour les juifs qui avaient souffert durant la guerre. Il aimait discuter, mais c'était difficile de discuter parce qu'il considérait que en Amérique, il y avait des injustices, dans le monde, il y avait des injustices, et que ces injustices ne pouvaient être établies que par la force. J'essayais de lui expliquer que la meilleure forme de gouvernement était la forme démocratique, mais il était très sceptique concernant cela. À la police, Shiran Shiran raconte que c'est bien la haine qui a motivé son geste. Oui, la haine contre les Juifs, les Américains et tous ceux qui avaient soutenu Israël pendant la guerre des Six Jours, un an plus tôt. Robert Kennedy s'était prononcé en faveur de l'État juif. Son meurtrier ne l'a jamais digéré. La cause palestinienne explose alors au visage du monde pour la première fois. Shiran Shiran est arrêté et incarcéré, bien sûr. L'affaire semble claire et limpide, un crime haineux, point. Pourtant, dans les rangs du sénateur Kennedy, le doute persiste. Les témoins sont catégoriques. Il n'est pas possible que Shiran Shiran soit le meurtrier de Bobby. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a tiré, oui. Mais il n'a pas tué le sénateur, car il était face à lui au moment de sa mort, alors que Robert Kennedy a été touché dans le dos. Impossible. Il y aurait donc deux tireurs. Mauvais remake du 22 novembre 63. On analyse alors les enregistrements audio de la scène capturés par les dizaines de journalistes présents sur place. Selon les experts balistiques, il est impossible en effet que Shiran ait été seul. On compte une douzaine de coups tirés à haute fréquence. Or, le pistolet utilisé par Shiran, de calibre 22, même employé au maximum de ses capacités, n'aurait pas permis de tirer autant de balles en si peu de temps. Donc, plusieurs armes auraient été utilisées. Donc, Shiran Shiran n'aurait pas agi seul. Alors, qui a tiré sur Robert Kennedy ? Au cours de son procès, qui a lieu un an après les faits, la question des complices, voire du complot, est sur toutes les lèvres, comme le raconte Jacques Salbert, envoyé spécial de France Inter. Finalement, les 12 jurés et leurs 6 suppléants ont été choisis. Il y a 8 hommes et 4 femmes. D'après Mme Shiran, la mère de l'accusé, c'est un bon jury qui représente un vaste éventail social. Il y a en effet dans ce jury un professeur de mathématiques, un plombier, un noir, 4 américains d'origine mexicaine qui sont donc théoriquement pleins de compréhension pour les immigrants de fraîche date, et il y a même un israélite qui n'a pas été réfuté par la défense. Ces 12 jurés finalement n'auront pas à se prononcer sur la culpabilité de Shiran Shiran puisque les avocats ont décidé de plaider coupable. Mais les jurés devront se prononcer sur le degré de cette culpabilité. Les avocats plaideront l'irresponsabilité partielle de leur client en mettant l'accent sur une certaine chute de cheval dont aurait été victime Shiran Shiran dans ses jeunesses et qui l'aurait traumatisé. Ils parleront aussi de sa jeunesse malheureuse en Palestine, de la brutalité de son père, de l'incompréhension de sa mère, etc. Nous risquons donc d'assister à un défilé d'experts et de contre-experts psychiatres qui nous entraînera assez loin de ce qui en réalité nous intéresse le plus, à savoir Shiran Shiran a-t-il agi seul ou n'a-t-il été que l'exécutant d'un complot ourdi contre Bobby Kennedy ? Shiran agissait-il pour le compte de la mafia qui haïssait le sénateur Kennedy depuis près d'une décennie ? Est-ce la CIA qui a commandité le meurtre pour écarter un candidat potentiellement gênant ? Les Cubains de Miami auraient-ils profité de la situation pour se venger de cet homme qui fut derrière la crise de la baie des Cochons en 1961, une blessure dont il peine à se remettre? Edgar Hoover, le sulfureux patron du FBI, avait-il encore une dent contre son ancien ministre de tutelle? Les théories du complot vont bon train et, en l'occurrence, il y a de quoi. Mais la thèse officielle reste la même. Chiran est condamné à la prison à vie et demeure le seul à avoir été condamné pour la mort de Robert Kennedy. Une mort qui, comme celle de son frère John, 4 ans plus tôt, laisse encore aujourd'hui un arrière-goût très amer de mystère, d'enquête inachevée. Quel est le lien entre ces deux assassinats? Comment autant de zones d'ombre peuvent-elles persister autour de ces meurtres? La déclassification de certains documents secrets par la CIA permettra-t-elle de lever le voile, car enfin, connaître la vérité sur le meurtre des Kennedy, n'est-ce pas l'un des plus grands désirs de tout un chacun, de tous ceux qui, à travers le monde, s'intéressent à l'histoire? There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le destin de Bob Kennedy avec notre invité Marc Duguin. Bonjour Marc Duguin. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce roman paru à la rentrée littéraire chez Gallimard, intitulé « Ils vont tuer Robert Kennedy », dans lequel vous retracez cette dernière bataille de Bob pour la présidentielle américaine, donc ses derniers moments de vie. Alors comme souvent avec vous, il y a deux histoires parallèles qui vont finir par se fondre avec celle de Bob Kennedy. Ça paraît un peu abstrait, voire abscon ce que je dis, mais je ne vais pas en dire plus, hein. Que les auditeurs aient le plaisir de lire ce livre. Alors, il y a eu, dans l'œuvre de Marc Duguin, la malédiction d'Edgar. C'était autour de Edgar Hoover, ce puissant chef du FBI. FBI qui a régné sous plusieurs présidents. Vous voyez, je dis qui a régné. C'est pas les présidents qui règnent avec lui. C'est lui qui règne sur les présidents. Bref. Pendant 40 ans. Voilà. Et puis, dans ce livre, alors, on croisait également les Kennedy dans la malédiction d'Edgar. Et dans ce livre-là, on recroise encore Edgar, dont la présence est moins prégnante quand même, mais elle est là. Cette histoire vous hante, Marc Duguin, cette histoire des États-Unis à ce moment-là. Alors, elle vous intéresse, elle vous fascine, est-ce qu'elle vous hante aussi? Mais je pense qu'elle me hante parce qu'il y a quelque chose qui est très très important dans cette histoire, c'est qu'elle a, elle a beaucoup conditionné ce qui est devenu l'Amérique. Et je pense que Trump, aujourd'hui, est le résultat d'années et d'années de mensonges, d'un cauchemar dont les Américains ne se sont jamais remis, parce que les politiques américains, et particulièrement les politiciens, je dirais, entre guillemets, réactionnaires, et toute cette droite américaine extrêmement forte... Texane, du Sud. Texane, entre autres, n'a jamais voulu faire la lumière sur cet épisode, qui est quand même un épisode extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez un président qui est assassiné, son frère qui est en position de le devenir, qui est aussi assassiné. Il y a peu de démocraties qui ont vécu ça. Bien sûr. Alkener, c'est le protagoniste principal d'un autre de vos romans, L'Avenue des Géants, et c'est un destin tragique de ce personnage qui se forge le jour de l'assassinat de Kennedy. On y revient. Ça veut dire qu'on est dans un traumatisme politique, mais on est aussi dans le traumatisme du peuple américain. Oui, parce que mon intérêt pour les Kennedy, c'est pas que les Kennedy, c'est pas uniquement la personnalité des Kennedy et le côté, je dirais, presque people des Kennedy, c'est une époque. Et c'est une époque que j'ai beaucoup aimée, que j'ai connue de façon assez précoce, puisque j'étais un peu jeune quand même, mais qui m'a fasciné, qui est toute cette époque de la contre-culture américaine, c'est-à-dire ce moment où, aux États-Unis, s'est développé un courant qui disait d'abord non à la guerre du Vietnam, c'est très important, et ensuite qui alertait sur le fait que le système dans lequel on était de production-consommation effrénée, nous menait à la catastrophe. Et cette période, par ailleurs, elle est extrêmement riche, évidemment au niveau littéraire, mais au niveau musical, bien évidemment, et au niveau cinématographique. Étant aussi réalisateur, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Et là, il y a un cinéma qui est un cinéma d'une grande liberté qu'on n'a pas retrouvé depuis. Avec les années 80, avec l'époque Thatcher-Reagan, c'est le début de la fin. Et depuis, on ne peut pas dire que les États-Unis aient produit quelque chose d'aussi monumental que ce mouvement de la contre-culture. En même temps, les États-Unis dans les années 60, c'est un pays qui dégage beaucoup de violence. Moi, je me souviens, j'étais gosse, et ça me faisait peur de loin. L'assassinat des Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X. Elle renvoyait beaucoup de violence, cette société-là, en même temps. C'était paradoxal. Elle en renvoyait, mais pas tellement plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème de l'Amérique, c'est qu'elle s'est... La construction américaine est une construction sur la violence. C'est-à-dire que comme c'est une terre d'immigration, cette immigration s'est formée dans des rapports de force. Et parmi ces rapports de force, il y a évidemment le fait qu'il y a une majorité dominante qui est faite de protestants anglo-saxons et beaucoup de minorités. Et c'est en particulier ces minorités qui se sont constituées sous forme de mafia. D'où la mafia sicilienne, italienne, la mafia juive, qu'on connaît moins bien, mais avec un grand patron qui était Meyer Lansky, et la mafia irlandaise, dont le grand patron était Joe Kennedy, le père des deux fils assassinés. Cette fibre irlandaise, elle vous parle ? Celle des Kennedy ? Oui, elle me parle, parce qu'elle me parle aussi familialement, puisque mon nom est d'origine irlandaise, et que c'est un pays que j'aime beaucoup. Évidemment, c'est un pays qui, par ailleurs, au moment de la contre-culture, a commencé à connaître le début des troubles, c'est-à-dire le processus de refus des Irlandais catholiques de la domination anglaise protestante dans le Nord. Les adversaires de Kennedy l'appelaient irlandais. L'Irlandais, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que les Irlandais sont très très mal considérés. L'Irlande, c'est une terre d'immigration. Vous savez, aujourd'hui, il y a 4 millions d'Irlandais en Irlande. Et on pense qu'il y en a à peu près 80 millions dans le monde, entre les États-Unis, l'Australie, et un peu partout. Donc cette domination... Il faut savoir que l'Irlande, c'est le premier pays de la colonisation anglaise. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu l'Inde, il y en a eu plein. Le premier, c'est l'Irlande. Et donc, évidemment, ça rappelle plein de choses. Alors, il y a eu d'autres dynasties américaines, les Bush, les Clinton, dans une moindre mesure. C'est vrai qu'elles sont moins fascinantes que... Les Rockefeller. Rockefeller, bien sûr. Ça reste moins fascinant que la dynastie Kennedy. C'est lié à quoi ? La personnalité des frères Kennedy, des beaux mecs déjà, des types qui sont très photogéniques, mais il n'y a pas que ça. Il y a une vraie politique audacieuse. On va y revenir. Hein. C'est pas que du people, les Kennedy. Qu'est-ce qui fait quand même qu'ils sont plus mythiques que les autres, pour vous ? Je pense que l'avènement des Kennedy, c'est l'avènement de la communication dans la politique. Les médias se sont emparés des Kennedy, et c'est vrai que l'image, c'est la première chose qu'on a vue, évidemment, du couple Kennedy en particulier, de John et de Jackie. Et ça a créé un mythe, et qui est un mythe qui est attaché évidemment aux démocrates, puisque, comme vous l'avez dit, les Kennedy, c'est pas seulement une image glamour. C'est une vraie politique. C'est une vraie politique, et c'est surtout une politique pacifiste. Ouais. J'ai jamais oublié que une des premières réunions qu'a eu Kennedy quand il est devenu président, c'était avec l'état-major de l'armée, qui lui a demandé l'autorisation d'engager une guerre nucléaire avec les Soviétiques. Et qui leur a dit... Mais vous êtes des cinglés. Et ensuite, il a dit à son frère, je crois que si je pouvais faire quelque chose aujourd'hui, c'est quitter cette planète. C'est dire à quel point il a été bouleversé par ce sentiment guerrier qu'il y avait dans l'état-major, qui considérait à l'époque qu'ils avaient un avantage technologique sur la Russie qu'ils ne pourraient pas conserver. Donc c'était le moment de l'offensive. Et ça voulait dire que peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là pour en parler. Alors, je rappelle que ce livre s'appelle « Ils vont tuer Robert Kennedy », que notre récit a raconté Bob Kennedy. On va écouter un portrait de Bob dressé par les Actualités françaises, ça s'appelait comme ça, au moment de sa mort, donc le 6 juin 1968. Il avait un nom, il s'était fait un prénom. Pour ses concitoyens, il était Bobby, avec cette touche de familiarité si typiquement américaine et qui allait si bien à cet homme aux traits d'adolescent. Des quatre fils Kennedy, John était le chef de file. Et c'est dans son sillage que Robert entame sa carrière politique. Porté à la présidence des États-Unis, John fera de son frère son ministre de la Justice, mais aussi et surtout son homme de confiance, son conseiller pour toutes les grandes crises qui agitent le monde. En 1964, il est élu sénateur de New York. Et en février dernier, sa décision est prise. Il sera candidat à la Maison-Blanche. Il se sentait en... Il y avait quelque chose de messianique dans l'engagement de Bob Kennedy jusqu'à se présenter à la présidentielle après la mort de son frère. Qu'est-ce qu'il faisait courir ? Malgré les risques, parce que, évidemment... Alors, c'est un personnage complexe, parce qu'il faut savoir que des deux, c'est celui qui est le plus à droite au départ. Tiens donc. Il est beaucoup plus à droite que son frère, et il finira beaucoup plus à gauche que son frère. Ah voilà, c'est bon. Et donc c'est très intéressant parce que en plus c'est celui de tous les fils Kennedy qui refuse vraiment l'héritage, c'est-à-dire que la fortune familiale, c'est la fortune d'un mafieux. Il y a eu des morts, que l'élection de son frère s'est faite en partie grâce à des arrangements entre la mafia, les syndicats de camionneurs et le père Kennedy qui a tout arrangé ça à coup de millions de dollars. Et ce qui est étonnant, c'est que chez Bobby, qui a pourtant un certain sens politique, on va dire, mais il y a un refus de cet héritage. C'est-à-dire qu'il ne veut pas... Alors, en même temps, c'est un personnage contradictoire, parce qu'il refuse l'héritage, mais il ne refuse pas l'argent. Il est extrêmement riche, il a plein de facilités, il n'a jamais un dollar sur lui, mais il profite, et il ne serait pas un Kennedy, il n'aurait pas tout cet argent, il ne pourrait pas être candidat à la présidence. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours, et je pense que, justement, il a pris conscience à un moment donné. Il faut savoir que, dans les années 68, l'Amérique est au bord de la guerre civile. Les tensions raciales, les émeutes sont là, et elles sont extrêmement violentes. Et donc, ce mouvement de la contre-culture, qui est un mouvement pacifiste, le mouvement hippie, tout ce qui était autour de ce mouvement, il en devient progressivement le représentant politique. Et ça, ça lui donne une envergure qu'il n'avait pas au départ. Et il a le sentiment, pour le coup, d'être vraiment le représentant d'un mouvement qui est en marche, même si c'est un mouvement qu'il ne comprend pas toujours très bien. Mais il y a ce côté missionnaire chez lui, et il sait parfaitement que ça finira mal. Il le sait. D'abord, ça, je parlais de côté messianique aussi. Oui, messianique. On l'attend, il y va et ça finit mal, il le sait. Alors il y va, mais ça, il a une personnalité extrêmement complexe, c'est-à-dire que c'est un grand dépressif. Il a fait une énorme dépression après la mort de son frère. Et il réalise que s'il n'y va pas, de toute façon, il va finir par se décomposer. Ouais. Et donc il y va. C'est sacrificiel donc. C'est sacrificiel. Il sait que son frère a été assassiné par un complot. Il sait que les membres de ce complot en ont autant contre lui, si ce n'est plus que contre son frère, à l'époque où il était le ministre de la Justice de son frère, où il a quand même participé, on va dire, entre guillemets, à des magouilles assez fortes entre la CIA, le FBI, lui, à propos du débarquement de la baie des Cochons et en particulier de la décision d'assassiner Castro, parce qu'il est derrière aussi, et ça a raté, mais... Et donc, il sait que les ennemis qui ont tué son frère sont toujours là. Et il y va quand même. Et la veille de sa mort, il rencontre Romain Gary chez John Frankenheimer, le grand réalisateur américain. Et Romain Gary lui dit « Mais vous savez qu'ils vont vous assassiner ?» Il dit « Je sais, mais j'y vais quand même. » Et il est assassiné le lendemain, à l'hôtel Ambassadeur. On va écouter une archive qui commente, Bob Kennedy commente la situation de la population noire dans la ville de Washington. On est en 1964, il est encore ministre de la Justice pour pas longtemps. Et son discours, vous allez l'entendre, il nous paraît tellement moderne aujourd'hui. Il n'y a personne pour s'occuper des problèmes, pour être responsable. Washington a été ignoré par ceux qui ont la responsabilité de son administration, ou de deux choses l'une, où les responsables ne s'y intéressent pas, ou bien ils n'ont pas intérêt à changer quoi que ce soit dans le domaine du logement, de l'instruction publique. Le résultat est que les Noirs viennent ici s'installer tous les jours. Quand ils arrivent ici, il n'y a personne pour les aider. Tout au moins, il n'y en a pas eu jusqu'ici. Il n'y a pas de solution à leurs problèmes. Alors, ils ont recours, certains d'entre eux du moins, à la seule voie qui leur soit ouverte, le crime. C'est ça le fond du problème. Ce n'est pas la faute de la population noire de Washington, mais de ceux qui ont la responsabilité d'administrer cette ville et qui sont, pour l'immense majorité, des Blancs. Quel gouffre entre ce qu'on entend là et ce qu'on entend du président américain actuel, notamment lorsqu'il ne condamne pas le Ku Klux Klan criminel. Je me dis, est-ce qu'on pourrait encore aux États-Unis trouver un nouveau mythe comme ça à la Kennedy? Est-ce que les temps sont porteurs de cela? Je ne sais pas si on pourrait en trouver un, mais en tout cas, ça serait bien nécessaire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en plus, alors on a Trump. Trump, quand vous parlez avec les Américains, ça va au-delà, si vous voulez, de l'homme d'extrême droite, c'est qu'il est carrément cinglé. Il y a un problème psychiatrique chez Trump. Et donc là, jamais les États-Unis n'ont connu une période aussi dramatique en termes de leadership. Et ce qui est terrifiant, c'est que le Parti démocrate ne révèle aucune personnalité aujourd'hui qui serait susceptible d'apporter un contrepoint à ce Trump et créer un espoir. Et donc ça, c'est un vrai problème. Bon, on va partir dans les années 60, hein, pour ne pas désespérer. Bob Kennedy avait de réelles chances d'être élu président des États-Unis en 68. Moi, ma conviction, c'est qu'il allait l'être. Il venait de gagner la primaire la plus importante qui était la Californie. Ce n'était pas joué d'avance. Et ensuite, d'ailleurs dans son discours juste avant de se faire assassiner, il dit « à la semaine prochaine à Chicago ». Et il remportait Chicago, il remportait donc la primaire démocrate. Et ça voulait dire qu'il était quasiment certain d'être président parce qu'à ce moment-là, les démocrates étaient vraiment majoritaires. Bon, il y a eu quatre Kennedy, quatre fils, à commencer par le premier qui s'est tué pendant la guerre. Le deuxième a failli passer aussi, John Kennedy s'en est sorti, mais c'est aussi pour ça qu'il avait des problèmes de dos, c'était une notoriété publique, on le savait. Il y a eu le troisième, Bob, dont on a parlé, et puis le dernier, Ted Kennedy. Est-ce que vous avez cru, Marc Dugas, à un moment que Ted Kennedy pouvait reprendre le flambeau et lui aussi devenir président? Non, parce que l'affaire Chappaquiddick a été, pour le coup, catastrophique. C'est-à-dire que là, c'est tout le contraire. C'est pas un acte de courage, mais c'est un acte de lâcheté. Il est avec sa maîtresse, il passe un pont, il tombe dans l'eau. Par peur du scandale, il laisse sa maîtresse, il attend pour appeler les secours, et quand il appelle les secours, c'est trop tard. Et là, ça, c'est très très difficile de s'en remettre. Et donc, il avait plus aucune chance. Ensuite, il a fait une carrière politique très honorable. Il a été sénateur. Il était très bien considéré. D'ailleurs, il a fait passer pas mal de projets de loi intéressants. Mais il avait aucune chance de devenir président. Alors, Marc Dugas, une partie de votre œuvre, il y a une espèce de sorte de fil rouge, j'y pense maintenant. Le regard sur le pouvoir, c'est une notion qui, manifestement, vous intéresse beaucoup. Oui, parce que j'explique ça maintenant avec les années. Je pense que d'avoir vécu, ça a été mon premier livre et c'est ce qui a fait que je suis devenu écrivain, c'était La Chambre des Officiers. Je pense que d'avoir vu mon grand-père défiguré de la guerre de 14, donc d'avoir été si près de la guerre de 14, ça m'a donné une haute conscience de ce que le pouvoir peut être dévastateur pour les individus dans ses conséquences les plus absurdes. Absurde, ouais. Et donc j'ai une méfiance vis-à-vis du pouvoir qui est... Un jour, on me demandait est-ce que vous verriez ministre ou... Je dis, mais c'est tellement aux antipodes de ce que je suis, parce que j'ai, pour le pouvoir, une méfiance et une réticence qui est maintenant, je dirais pas congénitale, parce que c'est arrivé après, mais qui est de tous les instants. Et ça transparaît dans vos œuvres. Effectivement, merci infiniment, Marc Dugas. Merci beaucoup. Ce livre, Ils vont tuer Robert Kennedy, chez Gallimard, signé donc Marc Dugas. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat de Bob Kennedy, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Vincent Godard qui était à la technique aujourd'hui.